Chapitre 27 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1, Chapitre 27 De l'amitié. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris l'envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance, et le vide tout autour, il le remplit de grotesques, qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont-ce ici aussi à la vérité que grotesques et corps monstrueux rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite, ni proportion que fortuite. Desinit in piscem mulier formosa superne. Je vais bien jusqu'à ce second point avec mon peintre, mais je demeure court en l'autre et meilleure partie, car ma suffisance ne va pas si avant que d'oser entreprendre un tableau riche, poli et formé selon l'art. Je me suis avisé d'en emprunter un d'Étienne de la Boétie, qui honorera tout le reste de cette besogne. C'est un discours auquel il donna nom, la servitude volontaire. Mais ceux qui l'ont ignoré l'ont bien proprement depuis rebaptisé le contraint. Il l'écrivit par manière d'essai en sa première jeunesse, à l'honneur de la liberté contre les tyrans. Il courpiéça, est-ce main des gens d'entendement, non son bien grand et mérité recommandation, car il est gentil et plein ce qu'il est possible. Si a-il bien à dire, que ce ne soit le mieux qu'il pût faire. Et si en l'âge que je l'ai connu plus avancé, il eût pris un tel dessein que le mien de mettre par écrit ses fantaisies, nous verrions plusieurs choses rares et qui approcheraient bien près de l'honneur de l'Antiquité, car notamment en cette partie des dons de nature, je n'en connais point qui lui soit comparable. Mais il n'est demeuré de lui que ce discours, encore par rencontre, et croit qu'il ne le vit donc depuis qu'il lui échappa. Et quelques mémoires sur cet édit de janvier, fameux par nos guerres civiles, qui trouveront encore ailleurs peut-être leur place. C'est tout ce que j'ai pu recouvrer de ces reliques, moi qui laissa, d'une si amoureuse recommandation, la mort entre les dents, par son testament, héritier de sa bibliothèque et de ses papiers, outre le livret de ses œuvres que j'ai fait mettre en lumière. Et si suis obligé particulièrement à cette pièce, d'autant qu'elle a servi de moyen à notre première acquaintance, car elle me fut montrée long espace avant que je l'eusse vue, et me donna la première connaissance de son nom, acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous, si entière et si parfaite, que certainement il ne s'en lie guère de pareille, et entre nos hommes il ne s'en voit aucune trace en usage. Il faut tant de rencontres à la bâtir que c'est beaucoup si la fortune y arrive une fois en 3 siècles. Il n'est rien à quoi il semble que nature nous ait plus acheminé qu'à la société, et dit Aristote que les bons législateurs ont eu plus de soin de l'amitié que de la justice. Or, le dernier point de sa perfection est cet huissi, car en général, toutes celles que la volupté ou le profit, le besoin public ou privé, forgent et nourrit, en sont d'autant moins belles et généreuses, et d'autant moins amitiées, qu'elle mêle autre chose et but et fruit en l'amitié qu'elle-même. Ni ces 4 espèces anciennes, naturelles, sociales, hospitalières, vénériennes, particulièrement n'y conviennent, ni conjointement. Des enfants au père, c'est plutôt respect. L'amitié se nourrit de communication, qui ne peut se trouver entre eux pour la trop grande disparité, et offenserait à l'aventure les devoirs de la nature. Car ni toutes les secrètes pensées des pères ne se peuvent communiquer aux enfants pour n'y engendrer une méséante privauté, ni les avertissements et corrections, qui est un des premiers offices d'amitié, ne se pourraient exercer des enfants aux pères. Il s'est trouvé des nations où, par usage, les enfants tuaient leurs pères, et d'autres où les pères tuaient leurs enfants, pour éviter l'empêchement qu'ils se peuvent quelquefois entreporter. Et naturellement, l'un dépend de la ruine de l'autre. Il s'est trouvé des philosophes dédaignant cette couture naturelle, témoin Aristippus, qui, quand on le pressait de l'affection qu'il devait à ses enfants pour être sorti de lui, Il se mit à cracher, disant que cela en était aussi bien sorti, que nous engendrions bien des poux et des vers, et cet autre que Plutarque voulait induire à s'accorder avec son frère. « Je n'en fais pas, dit-il, plus grand état pour être sorti de même trou. » C'est à la vérité un beau nom et plein de délection que le nom de frère, et à cette cause en fîmes-nous, lui et moi, notre alliance. Mais ce mélange de biens, ces partages, et que la richesse de l'un soit la pauvreté de l'autre, cela détrempe merveilleusement et relâche cette soudure fraternelle. Les frères ayant à conduire le progrès de leur avancement en même sentier et même train, il est force qu'ils se heurtent et choquent souvent. Davantage, la correspondance et relation qui engendrent ces vraies et parfaites amitiés, pourquoi se trouvera-elle en ceci? Le père et le fils peuvent être de complexion entièrement éloignée, et les frères aussi. C'est mon fils, c'est mon parent, mais c'est un homme farouche, un méchant ou un sot. Et puis, à mesure que ce sont amitiés, que la loi et l'obligation naturelle nous commandent, il y a d'autant moins de notre choix et liberté volontaire. Et notre liberté volontaire n'a point de production qui soit plus promptement sienne que celle de l'affection et amitié. Ce n'est pas que je n'ai essayé de ce côté-là tout ce qui en peut être, ayant eu le meilleur père qui fût oncle, et le plus indulgent jusqu'à son extrême vieillesse, et étant d'une famille fameuse de père en fils et exemplaire en cette partie de la concorde fraternelle. Et ipse notus in fratres animi paterni. D'y comparer l'affection envers les femmes, quoiqu'elles naissent de notre choix, on ne peut ni la loger en ce rôle. Son feu, je le confesse, neque enim est dea nescia nostri, quae dulcem curis miscet amaritiem. Est plus actif, plus cuisant et plus âpre, mais c'est un feu téméraire et volage, ondoyant et divers, feu de fièvre, sujet à accès et remise, et qui ne nous tient qu'à un coin. En l'amitié, c'est une chaleur générale et universelle, tempérée au demeurant, et égale. Une chaleur constante et rassise, toute douceur et polissure, qui n'a rien d'âpre et de poignant. Qui plus est, en l'amour, ce n'est qu'un désir forcené après ce qui nous fuit. Comme segue la lepre il cacciatore, al freddo, al caldo, alla montagna, al lito, ne più l'estima poiché presa vede, est sol dietro a chi fugge affretta il piede. Aussitôt qu'il entre au terme de l'amitié, c'est-à-dire en la convenance des volontés, il s'évanouit et s'alanguit. La jouissance le perd, comme ayant la faim corporelle et subjecte à satiété. L'amitié, au rebours, est jouie à mesure qu'elle est désirée, ne s'élève, se nourrit, ni ne prend accroissance qu'en la jouissance, comme étant spirituelle, et l'âme s'affinant par l'usage. Sous cette parfaite amitié, ces affections volages ont autrefois trouvé place chez moi, afin que je ne parle de lui qui n'en confesse que trop par ses vers. Ainsi, ces deux passions sont entrées chez moi, en connaissance l'une de l'autre, mais en comparaison jamais. La première maintenant sa route d'un vol hautain et superbe, et regardant dédaigneusement cette-ci passer ses pointes bien loin au-dessous d'elle. Quant au mariage, outre ce que c'est un marché qui n'a que l'entrée libre, sa durée étant contrainte et forcée, dépendant d'ailleurs que de notre vouloir, et marché qui ordinairement se fait à autre fin, il y survient 1000 fusées étrangères à démêler parmi, suffisantes à rompre le fil et à troubler le cours d'une vive affection. Là où, en l'amitié, il n'y a affaire ni commerce que d'elle-même. Joint qu'à dire vrai, la suffisance ordinaire des femmes n'est pas pour répondre à cette conférence et communication, nourrice de cette sainte couture. Ni leur âme ne semble assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si pressé et si durable. Et certes, sans cela, s'il se pouvait dresser une telle accointance libre et volontaire, où non seulement les âmes eussent cette entière jouissance, mais encore où les corps eussent part à l'alliance, où l'homme fût engagé tout entier, il est certain que l'amitié en serait plus pleine et plus comble. Mais ce sexe, par nul exemple, n'y est encore pu arriver, et par le commun consentement des écoles anciennes, en est rejeté. Et cette autre licence grecque est justement abhorrée par nos mœurs, laquelle pourtant, pour avoir, selon leur usage, une si nécessaire disparité d'âge et différence d'office entre les amants, ne répondait non plus assez à la parfaite union et convenance qu'ici nous demandons. Quis est enim, iste amor amici tiei? Cur neque deformem adolescentem quisquam amat, neque formosum senem? Car la peinture même, qu'en fait l'académie, ne me désavouera pas, comme je pense, de dire ainsi de sa part, que cette première fureur, inspirée par le fils de Vénus au cœur de l'amant, sur l'objet de la fleur d'une tendre jeunesse, à laquelle ils permettent tous les insolents et passionnés efforts que peut produire une ardeur immodérée, était simplement fondée en une beauté externe, fausse image de la génération corporelle. Car elle ne se pouvait fonder en l'esprit, duquel la montre était encore cachée, qui n'était qu'en sa naissance et avant l'âge de germer. Que si cette fureur saisissait un bas courage, les moyens de sa poursuite, c'était richesse, présent, faveur à l'avancement des dignités, et telle autre basse marchandise qu'il réprouve. Si elle tombait en un courage plus généreux, les entremises étaient généreuses de même, instruction philosophique, enseignements à révérer la religion, obéir aux lois, mourir pour le bien de son pays, exemple de vaillance, prudence, justice. S'étudiant l'amant de se rendre acceptable par la bonne grâce et beauté de son âme, celle de son corps étant fanée, et espérant, par cette société mentale, établir un marché plus ferme et durable. Quand cette poursuite arrivait à l'effet en sa saison, car ce qu'il ne requiert point en l'amant qu'il apporte à loisir et discrétion en son entreprise, il le requiert exactement en l'aimé, d'autant qu'il lui fallait juger d'une beauté interne, de difficiles connaissances et abstruses découvertes. Lors naissait en l'aimé le désir d'une conception spirituelle par l'entremise d'une spirituelle beauté. Cette-ci était ici principale. La corporelle accidentale est seconde, tout le rebours de l'amant. À cette cause préfère-t-il l'aimer, et vérifie que les dieux aussi le préfèrent. Étant-ce grandement le poète Eschylus, d'avoir en l'amour d'Achille et de Patroclus, donné la part de l'amant à Achille, qui était en la première et imberbe verdeur de son adolescence, et le plus beau des Grecs. Après cette communauté générale, la maîtresse et plus digne partie d'Icelle, exerçant ses offices et prédominant, ils disent qu'il en provenait des fruits très utiles au privé et au public, que c'était la force des pays qui en recevait l'usage, et la principale défense de l'équité et de la liberté, témoins les salutaires amours de Harmodius et d'Aristogiton. Pourtant, la nomment-ils sacrée et divine, et n'est à leur compte que la violence des tyrans et lâcheté des peuples qui lui soient adversaires. Enfin, tout ce qu'on peut donner à la faveur de l'Académie, c'est dire que c'était un amour se terminant en amitié, chose qui ne se rapporte pas mal à la définition stoïque de l'amour. Amorem conatum esse amicitiae faciendae expulcritudinis specie. Je reviens à ma description de façon plus équitable et plus équable. Omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque et ingeniis et aetatibus judicandae sunt. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement ami et amitié, ce ne sont qu'acquaintances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il y a, au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous voyions l'un de l'autre, qui faisaient en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel. Nous nous embrassions par nos noms, et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une satire latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits, et lui plus de quelques années. Elle n'avait point à perdre temps et n'avait à se régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions, de longues et préalables conversations. Celle-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, la mena se plonger et se perdre dans la sienne, qui, ayant saisi toute sa volonté, la mena se plonger et se perdre en la mienne, d'une fin, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien ou mien. Quand Lélius, en présence des consuls romains, lesquels, après la condamnation de Tiberius Gracchus, poursuivaient tous ceux qui avaient été de son intelligence, vint à s'enquérir de Caius Blossius, qui était le principal de ses amis, combien il eût voulu faire pour lui, et qu'il eût répondu « toute chose ». « Comment toute chose » suivit-il. « Et quoi, s'il t'eût commandé de mettre le feu en nos temples ?»« Il ne me l'eût jamais commandé, » répliqua Blossius. « Mais s'il l'eût fait, » ajouta Lélius. « J'y eusse obéi, » répondit-il. S'il était si parfaitement ami de Gracchus, comme disent les histoires, il n'avait que faire d'offenser les consuls par cette dernière et hardie confession, et ne se devait départir de l'assurance qu'il avait de la volonté de Gracchus. Mais toutefois, ceux qui accusent cette réponse comme séditieuse n'entendent pas bien ce mystère, et ne présupposent pas, comme il est, qu'il tenait la volonté de Gracchus en sa manche, et par puissance et par connaissance. Ils étaient plus amis que citoyens, plus amis qu'amis ou qu'ennemis de leur pays, qu'amis d'ambition et de trouble. S'étant parfaitement commis l'un à l'autre, ils tenaient parfaitement les rênes de l'inclination l'un de l'autre. Et faites guider ce harnais par la vertu et conduite de la raison, comme aussi est-il du tout impossible de l'atteler sans cela, la réponse de Blossius est telle qu'elle devait être. Si leurs actions se démanchèrent, ils n'étaient ni amis, selon ma mesure, l'un de l'autre, ni amis à eux-mêmes. Au demeurant, cette réponse ne sonne non plus que ferait la mienne, à qui s'enquérait à moi de cette façon. Si votre volonté vous commandait de tuer votre fille, la tueriez-vous, et que je l'accordasse? Car cela ne porte aucun témoignage de consentement à se faire, parce que je ne suis point en doute de ma volonté, et tout aussi peu de celle d'un tel ami. Il n'est pas en la puissance de tous les discours du monde de me déloger de la certitude que j'ai des intentions et jugements du mien. Aucune de ces actions ne me saurait être présentée, quelque visage qu'elle eût, que je n'en trouvasse incontinent le ressort. Nos âmes ont charrié si uniment ensemble, elles se sont considérées d'une si ardente affection, et de pareilles affections découvertes jusque au fin fond des entrailles l'une de l'autre, que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais je me fusse certainement plus volontiers fié à lui de moi qu'à moi. Qu'on ne me mette pas en ce rang ses autres amitiés communes, j'en ai autant de connaissances qu'un autre, et des plus parfaites de leur genre, mais je ne conseille pas qu'on confonde leurs règles, on s'y tromperait. Il faut marcher en ces autres amitiés la bride à la main, avec prudence et précaution. La liaison n'est pas nouée en manière qu'on n'ait aucunement à s'en défier. Aimez-le, disait Chilon, comme ayant quelque jour à le haïr. Haïssez-le comme ayant à l'aimer. Ce précepte, qui est si abominable en cette souveraine et maîtresse amitié, il est salubre en l'usage des amitiés ordinaires et coutumières, à l'endroit desquelles il faut employer le mot qu'Aristote avait très familier. « Oh, mes amis, il n'y a nul ami !» En ce noble commerce, les offices et les bienfaits, nourriciers des autres amitiés, ne méritent pas seulement d'être mis en compte. Cette confusion si pleine de nos volontés en est cause. Car tout ainsi que l'amitié que je me porte ne reçoit point augmentation pour le secours que je me donne aux besoins, quoi que disent les stoïciens, et comme je ne me sais aucun gré du service que je me fais, aussi, l'union de tels amis étant véritablement parfaite, elle leur fait perdre le sentiment de tels devoirs, et haïr et chasser d'entre eux ces mots de division et de différence, bienfaits, obligations, reconnaissance, prières, remerciements, et leurs pareils. Tout étant par effet commun entre eux, volonté, pensement, jugement, bien, femme, enfant, honneur et vie, et leur convenance n'étant qu'une âme en deux corps, selon la très propre définition d'Aristote, ils ne se peuvent ni prêter, ni donner rien. Voilà pourquoi les faiseurs de lois, pour honorer le mariage de quelque ressemblance de cette divine liaison, défendent les donations entre le mari et les femmes, voulant inférer par là que tout doit être à chacun d'eux et qu'ils n'ont rien à diviser et partir ensemble. Si, en l'amitié de quoi je parle, l'un pouvait donner à l'autre, ce serait celui qui recevrait le bienfait qui obligerait son compagnon. Car cherchant l'un et l'autre, plus que toute autre chose, de s'entre-bien-faire, celui qui en prête la matière et l'occasion est celui-là qui fait le libéral, donnant ce contentement à son ami d'effectuer en son endroit ce qu'il désire le plus. Quand le philosophe Diogène avait faute d'argent, il disait qu'il le redemandait à ses amis, non qu'il le demandait. Et pour montrer comment cela se pratique par effet, j'en réciterai un ancien exemple singulier. Eudamidas, corinthien, avait deux amis, Charixénus, sicyonien, et Aretéus, corinthien. Venant à mourir, étant pauvre, et ses deux amis riches, il fit ainsi son testament. Je lègue à Aretéus de nourrir ma mère et l'entretenir en sa vieillesse. À Charixénus de marier ma fille et lui donner le douaire le plus grand qu'il pourra. Et au cas que l'un d'eux vienne à défaillir, je substitue en sa part celui qui survivra. Ceux qui premiers virent ce testament s'en moquèrent, mais ses héritiers, en ayant été avertis, l'acceptèrent avec un singulier contentement. Et l'un d'eux, Charixénus, étant trépassé 5 jours après, la substitution étant ouverte en faveur d'Aretéus, il nourrit curieusement cette mère, et de 5 talents qu'il avait en ses biens, il en donna les 2,5 en mariage à une sienne fille unique, et 2,5 pour le mariage de la fille d'Eudamidas, desquels il fit les noces en même jour. Cet exemple est bien plein, si une condition en était à dire, qui est la multitude d'amis, car cette parfaite amitié de quoi je parle est indivisible, chacun se donne si entier à son ami qu'il ne lui reste rien à départir ailleurs. Au rebours, il est mari qu'il ne soit double, triple ou quadruple, et qu'il n'ait plusieurs âmes et plusieurs volontés pour les conférer toutes à ce sujet. Les amitiés communes, on les peut départir, on peut aimer en celui-ci la beauté, en cet autre la facilité de ses mœurs, en l'autre la libéralité, en celui-là la paternité, en cet autre la fraternité, ainsi du reste. Mais cette amitié qui possède l'âme et la régente en toute souveraineté, il est impossible qu'elle soit double. Si deux en même temps demandaient à être secourus, auquel courriez-vous? S'ils requéraient de vous des offices contraires, quel ordre y trouveriez-vous? Si l'un commettait à votre silence chose qui fût utile à l'autre de savoir, comment vous en démêleriez-vous? L'unique et principale amitié découle toutes autres obligations. Le secret que j'ai juré ne déceler à un autre, je le puis sans parjure communiquer à celui qui n'est pas autre, c'est moi. C'est un assez grand miracle de se doubler, et n'en connaissent pas la hauteur ceux qui parlent de se tripler. Rien n'est extrême qui a son pareil, et qui présupposera que de deux j'en aime autant l'un que l'autre, et qu'ils s'entr'aiment, et même autant que je les aime, ils multiplient en confrérie la chose la plus une et unie, et de quoi une seule est encore la plus rare à trouver au monde. Le demeurant de cette histoire convient très bien à ce que je disais, car Eudamidas donne pour grâce et pour faveur à ses amis de les employer à son besoin. Il les laisse héritiers de cette sienne libéralité, qui consiste à leur mettre en main les moyens de lui bien faire. Et sans doute la force de l'amitié se montre bien plus richement en son fait qu'en celui d'Aretéus. Somme, ce sont effets inimaginables à qui n'en a goûté, et qui me font honorer à merveille la réponse de ce jeune soldat à Cyrus, s'enquérant à lui pour combien il voudrait donner un cheval, par le moyen duquel il venait de gagner le prix de la course, et s'il le voudrait échanger à un royaume. « Non certes, sire, mais bien le lairais-je volontiers pour en acquérir un ami, si je trouvais homme digne de telle alliance. » Il ne disait pas mal « si je trouvais », car on trouve facilement des hommes propres à une superficielle acquaintance, mais en cette-ci, en laquelle on négocie du fin fond de son courage, qui ne fait rien de reste, certes, il est besoin que tous les ressorts soient nets et sûrs parfaitement. Aux confédérations qui ne tiennent que par un bout, on n'a à pourvoir qu'aux imperfections qui particulièrement intéressent ce bout-là. Il n'importe de quelle religion soit mon médecin et mon avocat. Cette considération n'a rien de commun avec les offices de l'amitié qu'ils me doivent. Et en l'acquaintance domestique que dressent avec moi ceux qui me servent, j'en fais de même, et m'enquiers peu d'un laquais s'il est chaste, je cherche s'il est diligent, et ne crains pas tant un muletier joueur que imbécile, ni un cuisinier jureur qu'ignorant. Je ne me mêle pas de dire ce qu'il faut faire au monde, d'autres assez s'en mêlent, mais ce que j'y fais. Mihi sic usus est, tibi ut opus est facto, face. À la familiarité de la table, j'associe le plaisant, non le prudent. Au lit, la beauté avant la bonté. En la société du discours, la suffisance, voire sans la prud'omnie, pareillement ailleurs. Tout ainsi que s'il qui fut rencontré à chevauchons sur un baston, se jouant avec ses enfants, pria l'homme qui l'y surprit de n'en rien dire jusqu'à ce qu'il fût père lui-même. Estimant que la passion qui lui naîtrait l'or en l'âme le rendrait juge équitable d'une telle action. Je souhaiterais aussi parler à des gens qui eussent essayé ce que je dis, mais sachant combien ces choses éloignées du commun usage qu'une telle amitié, et combien elle est rare, je ne m'attends pas d'en trouver aucun bon juge, car les discours mêmes que l'Antiquité nous a laissés sur ce sujet me semblent lâches au prix du sentiment que j'en ai. Et en ce point, les effets surpassent les préceptes mêmes de la philosophie. Nil ego contulerim jucundo sanus amico. L'ancien Ménander disait celui-là heureux qui avait pu rencontrer seulement l'ombre d'un ami. Il avait certes raison de le dire, même s'il en avait tâté. Car à la vérité, si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu je l'ai passé douce, aisée, et, sauf la perte d'un tel ami, exempte d'afflictions pesantes, pleine de tranquillité d'esprit, ayant pris en paiement mes commodités naturelles et originelles, sans en rechercher d'autres, si je la compare, dis-je, toutes, aux 4 années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Depuis le jour que je le perdis, quem semper acerbum, semper honoratum, sic di voluistis habebo. Je ne fais que traîner languissant, et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout, il me semble que je lui dérobe sa part. Nec fas esse ulla me voluptate hic frui decrevi, tantis per d'humile abest meus particeps. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout, qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Illam meae si partem animae tulit maturior vis, quid moror altera? Nec carus eque, nec superstes integer, ille dies utramque duxit ruinam. Il n'est action ou imagination où je ne le trouve à dire, comme si eût-il bien fait à moi, car de même qu'il me surpassait d'une distance infinie en toute autre suffisance et vertu, aussi faisait-il au devoir de l'amitié. Quis desiderio sit pudor aut modus tam cari capitis? O misero frater ademte mihi, omnia te cum una perierunt gaudia nostra, quae tus invita dulcis alebat amor. Tu mea, tu moriens frigisticum moda, frater. Tecum una tota est nostra sepulta anima, cuius ego interitu tota demente fugavi eic studia, atque omnes delicias animi. Alloquar, audiero nunquam tua verba loquentem? Nunquam ego te, vita frater amabilior, ad spiciam post hac, ad certe semper amabo. Mais oyons un peu parler ce Gascon de 16 ans. Parce que j'ai trouvé que cet ouvrage a été depuis mis en lumière, et à mauvaise fin, par ceux qui cherchent à troubler et changer l'état de notre police, sans se soucier s'ils l'amenderont, qu'ils ont mêlé à d'autres écrits de leur farine, je me suis dédié de le loger ici. Et afin que la mémoire de l'auteur n'en soit intéressée en l'endroit de ceux qui n'ont pu connaître de près ses opinions et ses actions, je les avise que ce sujet fut traité par lui en son enfance par manière d'exercitation seulement, comme sujet vulgaire et tracassé en 1000 endroits des livres. Je ne fais nul doute qu'il ne crût ce qu'il écrivait, car il était assez consciencieux pour ne mentir pas même en se jouant. Et c'est davantage que s'il eût eu à choisir, il eût mieux aimé être né à Venise qu'à Sarlac. Et avec que raison. Mais il avait une autre maxime souverainement empreinte en son âme, d'obéir et de se soumettre très religieusement aux lois sous lesquelles il était né. Il ne fut jamais un meilleur citoyen, ni plus affectionné au repos de son pays, ni plus ennemi des remuements et nouveautés de son temps. Il eût bien plutôt employé sa suffisance à les éteindre qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage. Il avait son esprit moulé au patron d'autres siècles que ceux-ci. Or, en échange de cet ouvrage sérieux, j'en substituerai un autre, produit en cette même saison de son âge, plus gaillard et plus enjoué. Fin du chapitre 27.